Chapitre 6. Vacances de Noël. 19-26 décembre 1998. Quand Harry et Ginny descendirent du train, Molly, Andromeda, Hermione et Ron les attendaient. Mais l'attention du voyageur ne fut captée que par la présence de Teddy, vers lequel il se précipita. Le bébé ne fut pas en reste. Dès qu'il repéra son parrain, il agita frénétiquement ses bras et ses jambes en poussant des cris d'excitation. Harry le prit contre lui et l'embrassa, le faisant se trémousser de joie. Harry fut surpris de le trouver si changé. Il avait terriblement grandi. Sa frimousse était plus expressive et sa chevelure fluorescente était beaucoup plus drue. Harry se sentait étrangement bouleversé. En serrant le petit corps dans ses bras, il se rendit compte de la place que Teddy avait prise dans sa vie. Et réciproquement, il était à la fois fier et ému par cette nouvelle responsabilité. « Il n'a jamais eu les cheveux aussi rouges, » remarqua Andromeda. « Je suppose que c'est l'émotion. » « Il m'a reconnu !» s'extasia Harry. « Ça fait pourtant 4 mois qu'on ne s'est pas vu. » « J'ai mis une photo de toi dans sa chambre, » expliqua la grand-mère. « Et je la lui donne à chaque fois que je lui lis tes lettres. Et puis, il a 10 mois maintenant. Ce n'est plus un nourrisson. » Harry songea qu'elle devait également lui montrer des clichés de ses parents et il se demanda si Teddy était triste de ne plus les voir. L'enfant promenait avec ravissement ses menottes sur le visage de son parrain. Quand il entreprit de lui mordiller le col, Harry put enfin saluer les autres. Ron et Hermione avaient eux aussi légèrement évolué pendant son absence. Il les trouva mûris. Il détecta chez Molly des rides qu'il ne lui connaissait pas et il lui sembla que l'éclat de sa chevelure s'était estompé. Andromeda avait toujours autant de dignité dans sa tristesse. Ils retrouvèrent George et Arthur au terrier. Ginny se jeta dans les bras de son père et étreignit longuement son frère. Teddy ne voulut pas quitter Harry, qui le garda sur ses genoux durant tout le repas, et lui donna sa purée, puis sa compote. Ginny tenta bien de le remplacer, mais le bébé lui opposa un refus sans équivoque, qui sembla vexer un brin la jeune fille. Il y eut un drame quand Andromeda fit mine de reprendre son petit-fils en fin de soirée. Finalement, Mrs. Weasley suggéra qu'on leur laisse l'enfant pour la nuit, et entreprit d'installer un berceau dans la pièce où elle avait logé Harry, l'ancienne chambre des jumeaux. Harry garda Teddy contre lui jusqu'à ce qu'il s'endorme et le posa avec soulagement dans son petit lit. Sa tranquillité fut de courte durée. À peine 5 minutes plus tard, le bébé se réveilla en sursaut et se mit à hurler. Harry le berça de nouveau jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Le jeune homme le recoucha et partit se laver les dents. Il dut revenir dans la chambre en catastrophe, la bouche pleine de dentifrice et terminer ses ablutions avec un bras en moins. Il se contorsionna pour se déshabiller, en expliquant au trouble fait qu'il était l'heure de dormir. Teddy s'assoupit enfin. Harry le reposa et se coucha. À peine sentit-il le sommeil le gagner qu'un hurlement désespéré l'obligea à se relever précipitamment. Après 3 autres tentatives infructueuses, Harry se résigna à fourrer l'enfant dans son lit, en se demandant comment Andromeda faisait pour tenir le coup. Quand il arriva dans la cuisine, le lendemain matin avec Teddy en grande forme dans les bras, Ron et Ginny lui rendirent son salut d'un air goguenard. « Harry Potter, quel effet cela fait-il de se retrouver père à 18 ans ?» demanda Ron dans une bonne imitation de Rita Skeeter. Harry lui jeta un regard mauvais sans daigner répondre. Ginny fit preuve de plus de sollicitude. « Bien dormi ?»« Non, » grogna Harry. Teddy s'est mis en travers toute la nuit. Je me suis réveillée 5 fois avec ses pieds dans la figure. Dans une once de compassion, les jeunes Weasley éclatèrent de rire. Le petit fautif se montrait lui aussi d'excellente humeur. Il gratifia Ginny d'un magnifique sourire édenté et accepta qu'elle lui donne son biberon. « George vit ailleurs ?» demanda Harry qui l'avait vu partir la veille après le dîner, mais n'avait pas voulu poser de questions devant Molly. « Il est retourné dans son appartement, sur le chemin de travers, » expliqua Ron. « Il dîne ici tous les soirs, mais il tient à dormir chez lui. Et comment va-t-il ? » « Il s'est enfin remis à la fabrication, » indiqua Ron comme si c'était une grande victoire. « Jusqu'à maintenant, c'est Charlie qui s'en chargeait. Moi, je m'occupe des commandes et de la vente. »« Charlie va rester encore longtemps ?» se renseigna Ginny qui donnait toujours à manger à Teddy. « Non, je ne pense pas. On lui a proposé une place dans une réserve de dragons au nord de l'Écosse. Il doit l'annoncer aux parents dès qu'il trouvera le bon moment. » « Pour ce genre de nouvelles, il n'y a jamais de bon moment, » pronostiqua Ginny. « Et toi, Ron ?» s'enquit Harry. « Ça te plaît de faire tout cela ?»« Oui, j'aime bien la vente. Charlie m'a également montré quelques trucs pour que je puisse assister George dans la création des produits. »« Te voilà casé, alors, » sourit Harry. « Tu ne comptes pas chercher un appartement, toi aussi ?» Ron se renfrogna. « Hermione ne paraît pas tellement pressée, » avoua-t-il. « Elle n'a pas envie de se retrouver à s'occuper du linge et des repas de monsieur, » expliqua Ginny. Si tu veux mon avis, mon très cher frère, installe-toi tout seul et apprends à te prendre en charge comme un grand, au lieu de compter sur maman en attendant qu'une autre bonne âme se dévoue. Regarde Harry, il l'a bien compris, lui. Harry la dévisagea, incertain de la signification d'une telle conclusion. Ron, de son côté, s'étouffa. « Vous allez vous mettre ensemble, tous les deux ? » s'écria-t-il. « paniqua Harry, pris de surprise. Même si, à bien y réfléchir, cette perspective ne lui déplaisait pas. « C'est un exemple, » répondit Ginny, sans paraître remarquer l'émoi de son petit ami. « Je veux simplement dire qu'il n'attend pas qu'on lui tienne la main pour s'occuper d'un bébé. Un homme qui n'exige pas de sa compagne qu'elle se charge de toutes les corvées, c'est nettement plus attirant. » « Je ne peux pas être partout, » se défendit Ron. « Je passe mes journées au magasin. » « Et il ne te vient pas l'idée qu'Hermione pourrait dire la même chose ?»« Elle travaille dur au ministère, elle aussi. »« Tu penses qu'elle va tout laisser tomber pour te préparer de bons petits plats ou faire ta lessive ?» Ron, vexé, dit d'un ton glacé en se levant. « Il faut que j'y aille. C'est bientôt l'heure de l'ouverture. »« Et ta tasse, tu crois que je vais te la laver ?» hurla Ginny dans son dos. « Ça va, je m'en charge, » indiqua Harry, qui, sans remettre en cause le raisonnement de Ginny, trouvait qu'elle l'avait exprimé de façon un peu brusque. « Tu sais que tu me plais beaucoup, » lui sourit Ginny quand il passa devant elle pour se rendre à l'évier. « J'en ai de la chance, » se félicita Harry. « Et, cela te dirait de t'installer avec moi ? Après l'école, hein, bien sûr. » « On a le temps de voir, » tempéra Ginny. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire après mes aspics. »« Tu n'as pas une idée ?» lui demanda-t-il, un brin vexé qu'elle pense à sa carrière alors qu'il lui parlait de leur relation. « Médico-magie, ça m'aurait intéressé. Mais mes notes sont un peu justes en botanique, » répondit-elle. « Aurore, cela me plairait bien aussi. » Harry ouvrit la bouche pour remarquer que c'était une profession dangereuse, mais se retint à temps. Il termina de rincer la vaisselle et se retourna pour revenir à table. Son premier pas l'amena à se heurter à elle, car elle s'était placée derrière lui. Il se rattrapa à son épaule et profita du mouvement pour l'embrasser. Doucement d'abord, puis plus fiévreusement, malgré le petit Teddy qu'elle tenait toujours dans les bras. Ils se séparèrent en se souriant tendrement. Le filleul de Harry décida qu'il avait été assez discret et se mit à s'agiter. « Tu nettoies sa couche et je termine de ranger la cuisine ?» proposa suavement Ginny en lui tendant l'enfant. Quand la jeune fille le rejoignit dans le salon, Harry était en train de s'extasier sur la technique de reptation du petit, qui se déplaçait désormais à quatre pattes. Andromeda l'en avait déjà informé par courrier, mais il n'avait pas eu le loisir de s'en rendre compte la veille. « C'est le stade limace !» commenta Ginny en s'asseyant sur le canapé à côté de lui. « Limace ?» Oui, quand il se traîne par terre en bavant. Il y en a d'autres ? Mordeur fou, quand il fait ses dents. Oh, ça promet, soupira Harry.